Alors, c'est reparti. Ouais, il vaut mieux que tu le Pourquoi refasses, les mec. micros enregistrent mal? C'est une excellente question. Ah, je vais essayer On de s'en fout mettre du plus micro, mec. audible. Refais le texte, on se tape la 1, 2, honte. 3. Bon, c'est pas ce que ça donne. C'est reparti. Je ne parle pas. Je marche. Ou bien, c'est la parole qui bat contre mes mollets. Le rythme vient d'avant, comme de l'amont, le vent du premier pas, le pas d'après. Ah, que la bruine me traverse, comme font l'air et le temps, comme l'eau porte en surface les bateaux disparus, les rides des présents. Voilà, c'est un peu mieux. Ah. Don, don, don. Pas, je marche, ou bien c'est la parole qui bat contre mes mollets. Rythme vient d'avant. Comme de l'amont, le vent du premier pas, le pas d'après. Que la bruine me traverse, comme font l'air et le temps. Comme l'eau portant surface, les bateaux disparus, les rides des présents. Ne parle pas, je marche, ou bien c'est la parole qui bat contre mes mollets, le rythme vient d'avant, comme de l'amont, le vent du premier pas, le pas d'après, que la bruine me traverse, comme font l'air et le temps, comme l'eau porte en surface, les bateaux disparus, les